La tisseuse et le bouvier, à nous parler, sont conviés. Durant la course du taxi, May et moi observons les environs. Après un moment, elle se tourne vers moi et demande « À propos, quand tu retrouveras Hoa, où vivrez-vous » Je n'y ai pas pensé. « Dans ton pays ou en Chine ?» Je réfléchis. « Là où notre amour vivra le mieux ?» À cette optimiste réponse, une soudaine angoisse me saisit. Mais la retrouverai-je, cette femme que je cherche, et sera-t-elle libre ? Une étrange impulsion me fait tendre le cou en fixant un endroit à l'extérieur. « Arrête le taxi !» dis-je. May s'adresse au chauffeur. Le véhicule stoppe. Je dis à May « Paye-le et viens !» Je sors rapidement de la voiture. May donne l'argent au chauffeur et me rejoint. « Qu'y a-t-il » interroge-t-elle, inquiète. « Le marché !» J'indique l'autre côté de la rue, des étalages et des clients affairés. J'explique. C'est instinctif. En le voyant, quelque chose m'a dit d'y aller. « Eh bien, allons-y !» Nous nous engageons dans les étroites allées du marché. Petites boutiques et bancs, grandes quantités de légumes, fruits, viande, poissons. Parmi les commerçants, des femmes et des hommes s'occupent face à de grandes marmites fumantes d'eau aux cuisses des pâtes ou près de larges poêles pleines d'huile bouillonnante pour frire des poissons. Une marchande, visage rond, sympathique, chantonne en soulevant de très longues nouées. Près d'elle, une petite fille d'une dizaine d'années nettoie par terre avec un balai constitué de minces branches d'arbres. J'examine avec attention tous les visages des femmes d'une soixantaine d'années. May fait de même. On parcourt plusieurs ruelles du marché. Devant un banc de fruits, la commerçante me fixe avec une aimable curiosité. Je m'arrête et demande à May « Montre-lui la photo ». Elle la présente à la femme en lui expliquant de quoi il s'agit. « Ah oui !» s'exclame la commerçante. Tout agitée, elle appelle un homme et une jeune femme d'une boutique voisine de légumes. Quand ils s'approchent, la marchande leur montre la photo. Cette vue les excite. « Vous la connaissez ?» demande May. « Oui !» répondent les trois négociants. May se tourne vers moi, toute ravie. « Ils la connaissent ?»« Oh, superbe ! Enfin !» May s'adresse au négociant. « Dites-moi, je vous prie, ce que vous savez sur elle. Nous avons vu sa photo à la télévision, » précise la fruitière, « durant le programme de recherche des personnes disparues. » Et, reprend May, « elle vient ici, au marché ?» Le visage de la commerçante s'attriste. « Non, malheureusement, sinon on aurait téléphoné à la télévision. » Nous reprenons notre investigation dans le reste du marché. Devant la porte d'une toute petite échoppe, une femme coupe les cheveux d'un client. Je regarde l'endroit. Très modeste, des planches de bois, mais propres. À l'intérieur, un tout petit espace accueille, outre la coiffeuse et son client, au maximum deux autres personnes. La femme est vêtue d'une robe noire surmontée d'un tablier blanc. Elle porte des lunettes de vue et, devant la bouche, un petit masque de protection fait de tissu blanc. « Je veux me couper les cheveux, » dit May. « Ici, » s'étonne-t-elle. « Oui, ici. Ne préfères-tu pas un salon plus, disons, convenable pour toi ?»« Je préfère celui-ci. » Nous entrons dans l'échoppe. Accueil surpris mais cordial par la coiffeuse. Courte de taille, un peu corpulente, mais visage très avenant. Une longue, abondante et magnifique chevelure noire descend de sa tête jusqu'à sa taille. May lui explique le motif de notre présence. Maîtrisant son étonnement par un sourire, la femme indique de la main le petit banc. Je m'y assois, suivi par May. La coiffeuse finit son travail avec le client. Il la paye et s'en va. Elle m'invite à prendre sa place. Je m'assois sur la chaise en bois, devant un miroir posé sur une planche, également en bois. Les instruments de la coiffeuse sont simples et en ordre, pas de robinet. L'eau utilisée se trouve dans une petite bassine bleue posée près du miroir. À l'angle supérieur, devant moi, un petit ventilateur tourne pour rafraîchir l'air. La coiffeuse s'adresse d'un air enjoué à May qui me traduit. Elle dit qu'elle est ici depuis de nombreuses années, qu'elle a vu beaucoup d'étrangers passer devant son échoppe, mais tu es le premier à entrer. J'en suis très flatté. Je le montre avec mon meilleur sourire à la coiffeuse. Elle en est très satisfaite. Elle demande, dit encore May, comment tu veux couper tes cheveux? Cours. Je regarde la femme, lève la main droite et rapproche le pouce et l'index pour exprimer ce que je viens de dire. D'un signe de tête, la coiffeuse signifie avoir compris. Elle commence à couper les cheveux. Ses mouvements sont calmes et soigneux, ceux d'un sculpteur délicat. Je sens la chaleur douce de son corps ainsi qu'un parfum discret et agréable. Elle se met à chantonner à voix basse. J'en suis bercé, envie de fermer les yeux. Je n'ose pas. Montre-lui la photo de Hua, dis-je à May, et demande-lui si elle l'a vue. May extrait de son sac la photo et la présente devant les yeux de la coiffeuse. Celle-ci interrompt son travail et la regarde. Son visage s'épanouit de plaisir. « Je l'ai vu à la télévision. » Avec son peigne en main, elle m'indique, tout étonnée et très enchantée, « Et c'est lui, l'homme qui la recherche ?»« Oui, » répond May. La coiffeuse tourne vers moi en regard tout plein de tendresse et d'admiration. Ses yeux le rendent encore plus touchant. malgré toutes les années passées, murmure-t-elle, venir de si loin pour chercher une femme, et qui a aujourd'hui 60 ans. Des hommes comme ça, je ne savais pas qu'ils existent. Que dit-elle? Mais il me traduit. J'en suis honoré, et le montre à la coiffeuse en écartant les deux mains en signe d'acquiescement. La coiffeuse observe de nouveau la photo. Cette jeune fille a l'air d'avoir un très bon cœur, comme son ami qui la cherche. On en a beaucoup parlé ici, dans le quartier, et depuis, chaque jour, on fait attention, avec l'espoir de la rencontrer. Ah, quel bonheur de voir ces deux papillons se retrouver. Leur histoire me rappelle notre Bouvier et la Tisserande. May éclate de rire, je désire comprendre. Pourquoi tu ris? Elle a dit, répond May, que ton histoire avec Hua ressemble à une légende antique, très fameuse en Chine, aujourd'hui encore très populaire. Ah oui, laquelle? Ah, combien mon cœur ruisselait d'émotions quand je lui ai narré cette légende. Combien je devais me contenir pour empêcher mes larmes de surgir, pour conserver une voix qui ne fléchisse pas, pour bloquer tout soupir. À présent, dans ma chambre d'hôtel, toute seule, relater encore l'événement me tire des larmes. Eh bien, coulez. Et toi, mon précieux carnet secret, recueille ces gouttes brûlantes et amères, conserve-les. Alors, courage, il faut écrire. Quand l'empereur du ciel maria sa fille, la Tisserande, à son serviteur le plus fidèle, un Bouvier, il fit une constatation qui lui déplut. Les deux époux étaient épris l'un de l'autre, au point de négliger leur travail journalier. Le suzerain, mécontent, leur infligea une punition. Il les plaça de part et d'autre de la lointaine voie lactée. Ainsi, les deux amoureux, désormais séparés, pouvaient communiquer seulement par des messages confiés aux étoiles filantes. Cependant, le monarque, attendri par tant d'amour entre les deux malheureux époux, leur permit de se revoir une fois par an, le 7e jour du 7e mois. Cette nuit-là, le Bouvier traversait la voie lactée sur un pont, formé par les ailes de Pie, et rejoignait sa belle. La rencontre des amants était alors, aux yeux des curieux, voilée par les nuages. Depuis ce temps-là, chaque année en Chine, les jeunes gens, espérant ardemment rencontrer l'amour, se souviennent et fêtent le 7e jour du 7e mois. Malgré mon âge, moi aussi cette nuit-là, je m'agenouille en regardant la lune. Mon cœur espère et mes larmes coulent. Cette dernière phrase, je ne l'ai pas dite à Bruno. Belle, très belle histoire. En la narrant, May s'est efforcée de ne pas montrer l'exaltation qui l'animait. Mais ses yeux, ses beaux yeux, brillaient tellement. Hua et moi, nous avons été victimes du diktat d'un empereur. Mais nous, pas de chance. Nous n'eûmes jamais la permission de nous rencontrer, pas même une seule nuit. Rivière des perles, où est ta plus belle? Retour à l'hôtel, nuit. Aucune envie de dormir. Tout moment non consacré à la recherche de Hua est une perte de temps. Mais il fait déjà nuit, où aller? Impossible de proposer à May de sortir ensemble pour une promenade. Je la soumets déjà à un effort exténuant, elle qui n'aime pas les voyages. Mais rester dans cette chambre m'angoisse. Quelques minutes après ce que j'écris auparavant, je marche au bord de la rivière des Perles. Diverses embarcations parcourent le large fleuve. Elles, au moins, savent où elles vont. Moi, au contraire, j'avance en automate vers un seul but, atténuer l'insupportable angoisse qui m'écrase tant que je ne retrouve pas Hua. Ou du moins, je ne suis pas occupé à la rechercher. Une femme passe près de moi. La 60aine d'années, bien portée, cheveux noirs étalés sur les épaules, longue robe bleue parsemée de petites fleurs rouges, corps élancé, marche bien droite, élégante. Pris d'une soudaine agitation, je la suis. Arrivée à la fin de la rue, elle s'engage dans une autre. Je la talonne en allongeant le pas pour la rejoindre. À quelques mètres derrière elle, je ralentis et continue ma marche à distance. Je me décide, le cœur battant, j'accélère le pas, la rejoins et m'arrête en face d'elle, l'obligeant à s'immobiliser. Alors je l'interpelle. « Hua !» La femme me regarde, toute surprise. Elle se reprend et dit quelques mots en chinois, de manière polie. J'examine attentivement son visage et je comprends, embarrassé, mon erreur. « Pardon, je veux dire, sorry, I don't speak Chinese. » La femme fait un geste désolé, signifiant n'avoir pas compris. Moi, très confus, j'incline la tête en signe de respect et répète « Excusez-moi, sorry ». Je recule, salue encore et je m'éloigne. Est-ce que je rêve? Peu importe. Je me rends alors compte que par inattention, je suis engagé dans une rue où je ne réussis pas à m'orienter. Bon, j'ai compris. Conventionnel cauchemar. Non, non, pas du tout. C'est la réalité. Panique. Je téléphone à Mei. Une voix automatisée répond en chinois. « Oh non !» Je regarde autour de moi, de tous les côtés. Je m'approche d'un passant. « Do you speak English ?» Réponse d'un geste négatif. Après plusieurs tentatives, je rencontre une jeune fille. Elle parle anglais. Ouf. Elle me demande l'adresse de mon hôtel. Je l'ignore. Elle veut en savoir le nom. Je ne m'en rappelle pas. Ne sachant comment m'aider, elle s'excuse et s'éloigne. De nouveau, j'appelle May au téléphone. Même voix automatisée. Évidemment, à cette heure de la nuit, May dort profondément. Elle a sûrement éteint son portable. Je m'affale sur un banc et j'attends l'aube. Le réveil de May. Allons, ce n'est qu'un cauchemar. Réveille-toi. Mais non, la situation dure. Trop fatigué, je baisse la tête et je reste immobile. Cauchemar ou réalité, cela m'est très pénible. Du temps passe, trop lentement. Patience, patience, il suffit d'attendre. Pris de somnolence, je m'étends sur le banc pour dormir. Je n'y réussis pas à cause du froid et de l'humidité nocturne. Je me remets assis, pas d'autre choix, attendre la levée du jour. Jamais je ne me suis trouvé dans cette situation. Comment font les sans-logis, surtout les vieux, à affronter cette terrible condition? Mon cerveau, trop fatigué, est incapable de répondre. Le besoin de dormir s'empare de moi. Cependant, je m'efforce à rester les yeux ouverts. Finalement, le ciel s'éclaire. Des passants apparaissent. Mon téléphone sonne. C'est May. Excuse-moi, dit-elle. Je viens de me réveiller, d'ouvrir mon appareil et de voir ton appel. Puis-je en savoir le motif? Je suis dehors. Et égaré. Dehors? Où? J'explique ma situation. Mais il me conseille de m'adresser à quelques passants en lui donnant mon téléphone. Ainsi, elle pourra parler avec ce dernier et connaître l'endroit où je me trouve. Par chance, je vois apparaître un homme plutôt vieux. Je m'en approche, lui tends mon appareil, puis, avec des gestes, tente de lui expliquer d'écouter la communication. Il hésite, ne comprenant pas visiblement ma demande. Je répète mes gestes, le visage désespéré et suppliant. Enfin, il prend mon téléphone et écoute. Je devine qu'il informe May sur le lieu où je me trouve. Il me rend le portable. May me demande de l'attendre devant l'entrée du parc, tout proche, où me portera le passant. À la fin de la conversation, il m'accompagne à l'endroit indiqué, puis me salue. Je le remercie infiniment. Il s'éloigne. Sur place, j'entends une musique, en provenance d'un bosquet dans le parc. À cette heure. Je me rappelle les informations de Mei concernant ce genre de coutume chinoise. Les plus hardis se réveillent à l'aube et vont dans les parcs où ils se livrent aux activités qui leur plaisent. Prêtant attention à la musique, je suppose que c'est l'harpe chinoise antique. Je m'approche de l'endroit. Une femme joue l'instrument, la cinquantaine d'années, belle robe de soie rouge. Quelques spectateurs l'écoutent avec plaisir. Les doigts de la musicienne dansent gracieusement sur les cordes, faisant vibrer celles de mon âme. Étrange. La mélodie semble en même temps mélancolique et joyeuse. Un chant d'amour où le regret de l'absence de la personne aimée est compensé par la joie d'aimer. Moi, en somme. Soudain, une immense, profonde, déchirante pitié m'envahit entièrement, à en chialer, comme un enfant brusquement abandonné. Malheur à toi, révolution, quand tu ignores la passion. En écoutant la mélodie, je me mets un peu à l'écart du groupe d'auditeurs. Discrètement, j'extrais de la poche la photo de Hoa. Quel beau sourire. Et ce corps élancé. Correspondance parfaite avec la musique. Et ses pieds nus dans le sable. Et cette vague de mer soulevée, stoppée dans son élan. Moi aussi, le vent du destin m'a soulevé et m'a porté jusqu'au rivage de la Chine, où je reste pour l'instant, figé dans mon élan, sans savoir comment il finira. Pour l'instant, je me rappelle comment cet élan a commencé. Âgé de 20 ans, dans le bureau du directeur d'un théâtre où je travaillais, je me tenais debout, embrasé de passion. Je lui déclarai « Je voudrais parler avec le responsable de la troupe chinoise. Pourquoi » « Pourquoi ? » s'étonna le directeur. « Pour lui dire que je suis très sérieusement intéressé à connaître une fille de la troupe. Quoi ? Tu es fou ? » ?»« Non, pas du tout. Je suis parfaitement sain d'esprit. » Je plaisante. « C'est uniquement le cœur qui est fou. Et ça, c'est normal quand on est amoureux. » Le directeur resta sérieux. « Tu ne feras que créer des problèmes. » Problème. Où est le mal de tomber amoureux d'une fille au point de vouloir l'épouser? Elle est chinoise, et tu ne l'es pas. Et alors? Le gouvernement chinois ne permet pas ce genre de mariage. Je reste interloqué, scandalisé. Je me reprends vite. Mais ce gouvernement ne se proclame-t-il pas révolutionnaire et internationaliste? Il le proclame, répond le directeur d'un ton dubitatif. Alors il devrait être content qu'un jeune occidental aime une jeune chinoise. Là, tu te trompes, jeune homme. Qui se trompe, moi ou le gouvernement ? Pour la première fois, le directeur esquissa un sourire amusé. Si c'est toi qui te trompes, on peut te critiquer. Mais un gouvernement qui se trompe, personne ne peut le critiquer s'il ne veut pas mal finir. Ce fut la première énorme, désagréable, inacceptable découverte dans ma vie. Un gouvernement internationaliste qui refuse un amour entre une de ses citoyennes et un citoyen d'un autre pays. Je conclus de manière théâtrale, puisque je me trouvais dans un théâtre. Il y a quelque chose de pourri dans la République populaire de Chine. La leçon pratique en plein air enrichit l'esprit de lumière. Mon téléphone sonne de nouveau. C'est Mei. Je rejoins l'entrée du parc et la rencontre. Elle note mon visage sombre. Quelque chose ne va pas. Ne t'inquiète pas, je suis... J'hésite, puis... Bien, oui, je me sens bien. Elle me dévisage sans comprendre, en attendant une explication plus claire. Je me rends compte que le temps est doux. Pas envie de retourner dans ma chambre, mais de profiter de l'air frais et du parc. J'y invite Mei. J'aimerais nous asseoir ici un moment. Après une très brève hésitation, elle accepte. Nous entrons dans le parc. Je choisis un banc au pied d'un vieil et majestueux arbre, riche de nervures et de racines sortant de terre. « J'aime cet arbre, » dis-je. « Nous n'en avons pas chez nous. Il est tropical, » précise Mei. « Nous nous asseyons. Quel âge peut-il avoir ? Plus d'un siècle, peut-être même deux. Et toujours bien vivant. » La vue de cette merveille de la nature réveille en moi l'envie de me confier. Ironique et amusé, du ton narrant une fable à un enfant, je me lance. Il était une fois un jeune violoniste, prometteur et gai. Suite à un très cruel échec amoureux, il rencontra une femme. Il pense avoir retrouvé une deuxième fois l'amour avec un grand A, celui qui rend heureux. Alors ce jeune renonça à son autre passion, la musique, et alla dans un palais, en l'occurrence une banque. Là, il se mit à accumuler un trésor, autrement dit de l'argent, le croyant nécessaire pour parfaire son amour. L'homme devint riche, avec ce qu'on appelle une carrière exemplaire, une belle femme et un charmant fils. Hélas, jamais il n'a été heureux. Il finit par comprendre qu'il avait seulement pris son désir pour la réalité, qu'il était uniquement un insecte, ébloui par une lumière trompeuse où il s'était fait griller. J'indique des personnes qui s'amusent dans le parc en riant. Ces gens me donnent la plus précieuse leçon, gratuitement. Malgré les problèmes, commencer la journée en se réservant une heure pour faire ce que l'on aime. Je me tais en contemplant les gens dans le parc. Je conclus. J'ai le net sentiment de naître pour la deuxième fois, ou plutôt la troisième. Première vie, de jeune musicien, belle. Deuxième vie, de fonctionnaire de banque, laide. Et maintenant, troisième vie, belle. Plus belle que la première, car enrichie par l'expérience. Son visage s'éclaire d'une très tendre expression. Je me permets de commenter son bilan de vie. C'est ta migration de l'âme vers ce que les bouddhistes appellent nirvana, et que toi, tu appelles bonheur. C'est-à-dire, se libérer de l'ignorance et de la souffrance pour atteindre l'éveil. Cette explication me frappe comme un marteau sur le crâne ou comme un jet d'eau fraîche qui éclaircit mes idées. Ignorance et souffrance ne sont-ils pas les mots les plus néfastes dans une vie humaine? Et moi qui, parce que haut fonctionnaire dans la finance, je croyais ne pas être un ignorant et parce que riche, je me supposais à l'abri de la souffrance. Il me demande si j'ai un compagnon. J'ai été mariée sans avoir eu d'enfant, puis j'ai divorcé. Tu n'as pas cherché à te remarier? Non. Par crainte de me tromper encore. Puis-je savoir ce qui n'a pas marché avec ton ex-mari? Comment le dire brièvement? Voilà ce qui me vient. Le respect a manqué. J'aurais préféré ne pas réveiller ces douloureux morceaux de vie, mais Bruno insiste gentiment. C'est-à-dire? Ne pas lui répondre serait une impolitesse. Il croirait de ma part à un manque de confiance. Alors je lui ouvre l'armoire des amers regrets. Mon ex-mari a gardé la vieille mentalité traditionnelle. La femme doit seulement obéir, inconditionnellement, être docile à tous les caprices de son époux, sans jamais discuter. Pourtant, je lui demandais simplement de ne pas me considérer comme un simple buffle, mais de construire ensemble un amour qui soit digne de ce nom. Je me tais, en espérant l'explication suffisante, mais Bruno intervient. Tu pourrais trouver un homme meilleur. Ah ! Pas facile ! Malgré le grand bouleversement connu par notre pays avec la Révolution, durant laquelle la femme a combattu à l'égal de l'homme, malgré la fameuse déclaration de l'ex-président Mao, la femme soutient la moitié du ciel, les hommes persistent à la regarder comme inférieure à eux, même si elle est instruite et eux analphabètes. Moi aussi, confesse Bruno, depuis que j'ai divorcé, j'ai connu d'autres femmes sans trouver celle éliminant ma peur d'un deuxième échec. Tant de fois, j'ai pensé à Hua, mais comme tu le sais, Le gouvernement chinois ne permettait pas aux étrangers d'entrer en Chine, et je ne savais pas comment la contacter par lettre ni par téléphone. Après ces tristes aveux réciproques, nous restons silencieux. Un couple, tous les deux très vieux, passe non loin de nous. Le vieillard, légèrement courbé, s'aide d'une canne de bois pour avancer. Sa tête est couverte d'un chapeau de paille. Son épouse l'accompagne bien droite, ses cheveux blancs sont réunis en une longue natte derrière son dos. En les regardant, Bruno murmure « Où donc est la faute commise pour ne pas bénéficier du bonheur de vivre ensemble toute une vie, comme ce couple ?» C'est une question à laquelle je pense souvent. Et ta réponse ? Question embarrassante. Bruno ignore probablement que nous, Chinois, n'avons pas l'habitude de nous confesser, encore moins les femmes, encore moins une femme à un homme. Bruno attend, les yeux fixés sur moi. J'en suis intimidée. Jamais auparavant je n'ai abordé ce thème avec personne. Toutefois, je sens qu'il a besoin d'une clarification de ma part. Peut-être parce que, notamment, je suis chinoise et femme. Et peut-être cela me ferait du bien d'en parler. Peut-être aussi, il pourrait me donner des conseils utiles. Alors, n'osant pas affronter les yeux de mon compagnon, je regarde vers les beaux arbres du parc et poursuis d'une voix basse ma première intime confession. Je semblerais prétentieuse, mais je crois sincèrement n'avoir pas commis de faute. Je ne suis pas bouddhiste, donc je ne conçois pas l'idée de faute contenue dans cette conception. Je suis athée et taoïste, mais sans les fantaisies incongrues qui caractérisent cette conception. Je préfère ne pas demander d'éclaircissement sur ce qu'elle déclare. Toutefois, une question s'impose à moi. Donc, tu ne crois pas à la faute originelle de l'espèce humaine, celle racontée dans l'Ancien Testament ? Non, affirme-t-elle. Cette réponse me laisse perplexe. Moi qui suis né, puis ai vécu dans un monde totalement régi par l'idée de faute originelle. Cependant, je préfère ne pas discuter ce problème à présent, mais écouter la suite du récit sur l'échec du mariage de Mei. Je n'ai jamais négligé mes devoirs envers mon époux. Je l'ai aimé sincèrement, en voulant l'aimer chaque jour davantage, sans tenir compte de ses défauts. Je concevais ainsi l'amour. J'aurais voulu que lui et moi soyons comme deux aigles pêcheurs. On dit qu'une fois accouplés, ils ne se trahissent ni ne se quittent jamais. Mais mon époux a rapidement changé. Il me parlait de moins en moins, fuyait mon regard. Quand j'essayais de m'approcher de lui par tendresse, il m'écartait toujours, avec de plus en plus de rudesse. Et moi, qui l'avais épousé en espérant chaque jour être plus proche l'un de l'autre, voir ensemble nos cheveux devenir blancs, aider réciproquement nos corps à se soutenir une fois devenus faibles, je regrette de n'avoir pas compris, dès le départ, mon erreur. Pourtant, j'avais perçu des signes alarmants. Avant même de nous marier dans la première phase, celle où tout est charme aux yeux et beau sourire, je remarquais de temps en temps le regard fuyant de mon homme, et son sourire me paraissait faux. Mais j'ai cru que ses comportements provenaient de sa timidité. En réalité, le temps le démontrait, ses attitudes exprimaient la nature réelle de l'homme, fausseté et manque d'affection. Chaque fois que je me suis trouvée devant une personne au cœur sec, je me suis étonnée. Là est ma naïveté. Je n'y peux rien. J'ai essayé de changer. En vain. J'ai eu une expérience semblable à la tienne avec mon ex-épouse. Toi et moi, chacun poussé par des désirs illusoires, a rencontré de manière aveugle une personne erronée. Cependant, précise Mei, en Chine, le genre de situation où j'étais tombé n'est pas exceptionnel. Tout le mal nous vient de Confucius. Tu connais, je suppose, l'histoire des petits pieds des femmes chinoises. Non. C'est une pratique qui a duré jusqu'au début du XXe siècle. Dans les temps anciens, les femmes devaient, dès l'âge le plus tendre, avoir les pieds bandés, afin qu'ils restent tout petits, contrairement à leur développement normal, et cela malgré les atroces souffrances causées par cette procédure. Pourquoi ? Selon les justifications des hommes, les femmes semblaient ainsi émaner plus d'érotisme. En réalité, c'était une manière cruelle d'assurer la domination de l'homme sur la femme, de la réduire à un objet de son exclusif caprice et l'empêcher notamment de le fuir. Comment courir avec des pieds bandés ? Cette pratique existe encore aujourd'hui ? Heureusement pas. Elle ne fut abolie définitivement qu'en 1949, avec l'avènement de la République populaire. Je reste absolument effaré de ce procédé immonde. Chez nous aussi, la femme fut dominée par l'homme, mais pas à ce point cruellement insensé. Mais hélas, poursuit Mei, on ne change pas aisément des mentalités millénaires. Le bandage des pieds a été remplacé par le bandage des sentiments et des pensées de la femme. Elle reste généralement la subordonnée de l'homme. Chez nous, tout est justifié par une histoire contenue dans l'Ancien Testament, où la première femme aurait désobéi à son créateur et trompé son mari. Mais chez vous, en Chine, d'où vient cette conception dévalorisante de la femme ? Des écrits de Confucius, un moraliste de l'Antiquité. C'est lui qui a justifié l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, sa subordination à lui et le devoir de lui obéir inconditionnellement. L'une des rares choses positives de la Révolution fut la mise à nu du caractère féodal et rétrograde de la pensée de cet idéologue. Malheureusement, il est revenu à l'honneur. Cela est très négatif pour la Chine en général, pour les femmes en particulier, et pour toute personne qui se trouve en bas de l'échelle sociale. J'affirme que chez nous aussi, outre l'histoire du péché originel, existent des moralistes qui ont justifié les injustices des hommes envers les femmes. Qui sont-ils? Notre Confucius à nous, ce fut saint Paul. Sur la femme, il a exprimé les mêmes idées que votre moraliste. Heureusement, au siècle passé, les femmes les plus conscientes ont pris leur situation en main. Elles ont d'abord conquis le droit de vote, qui leur était nié, puis ont développé leur conscience jusqu'à aboutir au mouvement d'émancipation féministe des années 70 du siècle passé. Malheureusement, chez nous aussi, les choses ont régressé. Les femmes sont redevenues des poupées, essentiellement préoccupées de plaire, c'est-à-dire de se vendre à l'homme. Toute leur attention est consacrée à améliorer uniquement leur aspect physique. La publicité le montre de manière outrée, sans aucune gêne. Chez nous aussi, le bandage des sentiments et des pensées des femmes existe. Moins qu'en Chine, objecte Mei. Voilà quelques années, j'ai lu une pièce de théâtre de l'Antiquité grecque, je ne m'en rappelle pas le titre. Une guerre prolongée avait causé tellement de maux et de morts que les femmes se réunirent et décidèrent de ne plus faire l'amour avec leurs maris tant qu'ils iraient à la guerre. Et celle-ci s'arrêta. N'est-ce pas magnifique? Certainement. Cela m'a convaincu que ce sont nous, les femmes, qui devons prendre notre situation en main. Et le levier le plus puissant que nous avons est justement celui-ci, le sexe. Nous ne devons pas le concéder de manière stupide et humiliante à l'homme. Il doit le mériter, et pour cela nous respecter, ne pas nous vouloir seulement comme objet pour son plaisir physique, mais estimer la valeur de nos sentiments et de nos pensées, de manière égale à ceux des hommes. Tout à fait d'accord avec toi. À ces paroles, Mei me regarde tandis que ses joues s'empourprent. À ma surprise, j'en suis très ému. Quelle joie de constater une si belle entente entre un homme et une femme. J'ai la sensation d'avoir fortement rougi. L'a-t-il remarqué? En tout cas, il ignore le motif de mon trouble. J'aurais voulu lui avouer. Dommage que je ne t'ai pas connu avant mon mariage et avant ta rencontre avec Hua. Ô mon cœur, ô tendresse, voici donc à la joie se mêler la tristesse, me mettant en émoi.